22-20, observation, passé composé des verbes réfléchis. Vous vous êtes mis en congé? Ils se sont assis à la terrasse. Je me suis dépêché. Ils se sont arrêtés. Nous nous sommes promenés. Notez que ces verbes sont réfléchis. Ils sont utilisés avec un pronom réfléchi. Et notez qu'ils sont conjugués avec l'auxiliaire « être ». Tous les verbes réfléchis sont conjugués avec « être » au temps composé.